Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez Respecte les dauphins. Bonjour et bienvenue à l'émission Respecte les dauphins, édition du 2 avril 2009. Je m'appelle Kiwan et comme d'habitude, les jeudis après-midi, on va passer deux heures ensemble ici à C'est fou. Et ce qu'il y a de particulier cette semaine, pas particulier, mais bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans l'émission? Ben, entre autres, il y a pas mal d'actions, pas mal de spectacles cette semaine à Trois-Rivières, beaucoup de spectacles bénéfices d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la saison des spectacles bénéfices, peu importe, j'en sais trop rien, mais quand même beaucoup d'actions qui vont se passer dans la prochaine semaine. Il y a du théâtre, il y a beaucoup de spectacles de musique de toutes sortes de styles différents, donc on va passer un peu au travers de tout ça dans les deux prochaines heures. Puis sinon, ben comme d'habitude, ça va être agrémenté de l'excellente musique que vous êtes habitué d'entendre ici à C'est fou. Et on va commencer ça d'ailleurs tout de suite avec une pièce dans le palmarès anglophone, ça s'appelle Coastline de Gentleman Reg. On écoute ça tout de suite à Respecter les dauphins. Bonne émission. Across the eye.

C'était Parler avec la pièce High Cup et leur style qui me fera toujours penser beaucoup à celui de We Are Wolves, de Wolf Parade plutôt, pas We Are Wolves, vraiment pas non, plutôt Wolf Parade et celui d'Arcade Fire aussi, mais c'est vraiment bon, c'est une nouvelle pièce, c'est, ben, en fait pas une nouvelle pièce, mais c'est la première fois que je fais jouer cette pièce-là, High Cup, parce que c'est pas celle qui se retrouve normalement sur les palmarès et que vous êtes peut-être habitué d'entendre, c'est qui s'appelle Pen to the Paper, c'est une nouvelle pièce que je voulais vous faire découvrir de cet excellent album de Parler. Juste avant ça, on avait entendu Beau comme on s'aime, le premier extrait du nouvel album d'Anne Perrault qui est paru tout dernièrement, le 24 mars dernier, je pense. Et on avait commencé le bloc avec Gentleman Reg et la pièce Coastlines. Maintenant, ce qu'on va faire dans le prochain bloc de musique, ce qu'on va entendre, il va y avoir une pièce de Betty and Wallet qui sont, en fait, Betty and Wallet, ou je sais pas trop, je sais pas exactement comment le prononcer. C'est un peu angoissant d'ailleurs. Mais on va en entendre une pièce dans le prochain bloc. C'est un groupe franco-anglo-néo. Écossais, je ne sais pas comment dire. Bon, ils chantent souvent en français, mais en anglais aussi. Ils viennent de la Nouvelle-Écosse. Je pense qu'ils sont d'origine québécoise. On va entendre une pièce, en tout cas, dans le prochain bloc, assurément. Peu importe ce que je dis, écoutez pas vraiment ça. Écoutez plutôt la pièce qu'on va entendre. Et sachez que si ils veulent, si vous voulez en savoir un peu plus sur le groupe, si vous voulez surtout les voir en spectacle, bien, ils vont être le 10 avril prochain au Charlot, ici à Trois-Rivières, avec Jane Herdart, qui est aussi une artiste folk de la Nouvelle-Écosse, qu'on est habitué d'entendre dans le... Dans, avec les gens des gens de Québec, hein, ces deux groupes-là, ces deux artistes-là sont signés avec une étiquette de disque de Québec, celle la même fondée par les gars de Lesbo Vrouven. Donc c'est des noms que j'ai l'habitude d'entendre accolés à Lesbo Vrouven et puis dans ces groupes-là. Donc on va pourquoi pas en même temps dans ce bloc-là ou pas longtemps après aller écouter une pièce de Oromocto Diamond qui est un collectif finalement qui rassemble justement tous ces artistes-là, des gens de Lesbo Vrouven, Jane Herdart et puis aussi Millimétrique. Donc, c'est grossièrement le plan. Là, j'aurais pu vous l'expliquer plus clairement, assurément, mais bon, vous comprenez quand même qu'on va entendre du Betty and Wallet et du Jane Herdart dans le prochain bloc. Mais on va commencer ça tout de suite avec Carly Récudon et la pièce Marcher au parc ensemble. Thank you. Oui, c'était Carly Ricudon avec sa pièce qui finit super abruptement. Ça s'appelle Marcher au parc ensemble. Et tantôt, je vous avais parlé qu'on entendrait dans ce bloc-là aussi d'autres trucs de Jane Earhart. Et je vous avais parlé de plein de choses. Mais en fait, je fais une petite interruption dans ce bloc musical-là parce que vous savez, si vous écoutez des fois ou souvent l'émission ici, vous savez que j'ai vraiment un très grand talent pour vous annoncer des choses qui n'ont pas lieu finalement. Je l'ai fait récemment, genre la semaine passée. Donc, ça arrive souvent que les événements que je vous annonce ici n'arrivent pas. Et ça arrive aussi qu'il arrive des choses dont je ne vous avais pas parlé. Et c'est le cas aujourd'hui, une belle surprise. J'ai Marie-Pierre Arthur qui est ici en face de moi. Salut Marie-Pierre. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Cool. Marie-Pierre, ici à la station, on a une pièce de ton album solo éponyme, je crois aussi. Éponyme, ouais. On a la pièce Pourquoi qui joue dans le palmarès ici. Et puis, quand on a reçu l'album, ça fait environ un mois de ça. Il y avait déjà beaucoup de bruit à ton endroit. On parlait déjà beaucoup de Marie-Pierre Arthur. Et puis, je vais t'avouer personnellement que moi, c'est vraiment un album qui est arrivé de nulle part. Je savais pas du tout c'était qui Marie-Pierre Arthur. Mais j'entendais quand même l'action et le bruit qu'il y avait autour de toi. Comment ça se fait que les gens parlaient autant de toi avant même qu'on ait reçu l'album? Moi, je sais pas ça. Je pense que ça a rapport avec le fait que je travaillais dans... Ça fait longtemps que je joue de la musique avec des artistes connus du Québec. Ça s'est ébruité, mais moi, je sais pas pourquoi que ça s'est rendu à vos oreilles et tout. Là. Je sais pas comment ça se peut, mais je suis contente de ça, en tout cas. OK. Mais c'est ça, ça fait quand même longtemps que tu es sur la scène ici. Ouais, Québec, ça fait genre de 6-7 ans là, que je fais de la tournée à travers le Québec avec des artistes. OK. Comme bassiste. OK. Ouais. Puis maintenant, tu as décidé de faire ton propre album. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à partir de tes propres ailes? En fait, c'est ça. En fait, c'était pas un projet prémédité. OK. C'était juste le fait de composer. Ça faisait une couple d'années que je composais, mais vraiment juste pour découvrir un peu, puis m'amuser. Puis à un moment donné, il y avait plus de tunes qui existaient de plus en plus, puis c'est né comme ça. C'était un besoin de l'entendre au complet. Qu'est-ce que ce serait si on faisait ça, un beau collectif, on enregistre plein de musiciens, puis c'est ça. À un moment donné, c'était une obsession. Il fallait que je fasse mon disque, tu sais. Mais okay. C'est arrivé assez vite, tu sais, comme envie, c'est pas prémédité depuis longtemps. Là. OK. Est-ce que les gens avec qui tu travaillais déjà dans le milieu te poussaient, te disaient oui, tu devrais le faire? Ou... À la fin, oui. Ouais. Parce que là, ils voyaient le désir aussi. Là, okay. C'était comme, là, j'en parlais plus parce qu'il y avait des choses qui commençaient à prendre forme, des chansons qui commençaient à exister plus. Fait à partir de ce moment-là, il y a des gens qui disaient go, là, c'est le temps, là, on a hâte d'entendre ça. Ouais. OK. J'essayais récemment ici à l'émission d'écrire le son de ton album. J'avais un petit peu de misère à le faire. Toi, comment tu décrirais le son de ton album? C'est assez... Tu sais, on entend qu'il y a des influences assez disparates. Fait que c'est dur de donner juste un terme à ça. Mais il y a quelque chose de folk, c'est sûr. Moi, je dis souvent folk aérien... intense ou rock. C'est pas rock, mais c'est des grosses puffs d'intensité qui... Fait que c'est dur à décrire. Faut okay. qu'aérien, intense, pop-rock. OK. Ouais. Sur l'album, il y a eu des belles collaborations, en fait. Beaucoup de musique, je crois, qui a été faite par François Lafontaine. Exact. Puis Louis-Jean Cormier aussi qui a participé à l'album. Louis-Jean, c'était comme le réalisateur. Ah oui, c'est vrai, Louis-Jean, il a co-écrit une chanson avec Michel Rivard aussi. Oui, c'est vrai. Puis les autres musiques, c'est moi qui les ai faites. En tout cas, c'était assez collectif, là. OK. Ouais. Ça, c'est des artistes avec qui tu travaillais avant ou? Oui. OK. J'ai chanté sur les anciens albums, sur les deux derniers albums de Carquois. OK. Puis c'est des amis de longue date à moi. OK. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique dans les bars ensemble, juste pour s'amuser entre nos... entre nos projets, là, on fait du country puis des choses comme okay. ça, puis on s'amuse. Puis c'était sûr que j'allais faire ça avec eux. Là. C'est quasiment des âmes sœurs de création. Là. OK. Ouais. OK, cool. Ce qu'on pourrait faire maintenant, si ça tente, t'en es ta guitare? Ben oui, ça me tente. Donc, tu pourrais nous interpréter la pièce Elle, c'est ça? Oui, là, ça vous donne une idée de guitare-voix. Puis, ben, avec l'album, vous pouvez entendre, là, c'est toute une autre ambiance. Là. OK, donc version acoustique de Elle de Marie-Pierre Arthur. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'était vraiment version acoustique, là, juste voix-guitare. En spectacle, est-ce que le son sur la scène ressemble plus à celui de l'album? Oui, tout à fait. Okay. Mais ça dépend. Il y a des spectacles qui vont être faits plus en formule duo dans des tout petites salles cet été dans l'Est du Québec. Okay. Mais en général, là, les shows en band, c'est full band avec toutes les ambiances puis toutes les intensités sont là. Tu parlais tantôt que sur l'album, il y a quand même plusieurs influences, plusieurs styles un peu qui se côtoient. Est-ce que le fait de faire de la scène, ça te permet de, je sais pas, cibler un style ou une façon de jouer, de faire ta musique qui t'intéresse plus que les autres? C'est sûr que ça doit influencer au moins inconsciemment. T'sais, c'est-à-dire que les artistes avec qui j'ai joué, c'est des gens très différents de moi musicalement, de toute façon. Mais je suis sûre que je suis allée prendre des petites affaires de tout le monde, le meilleur, tu sais, je l'ai vu, le meilleur de tout le monde, puis okay. Puis j'aime profondément ça, accompagner, puis en même temps, j'ai observé beaucoup le fait d'être sur un stage, puis d'être front, puis d'assurer avec un public, tout ça, là, je pourrais dire que j'ai espionné pas mal. Ouais. OK. Et puis, si on parle... Ben, je sais que l'album vient juste de sortir, mais prochain album, mettons, est-ce que ça serait toujours dans le même style, un peu comme celui qui est là, acoustique? C'est tellement dur à dire parce que j'écoute loin, tellement de musique. Ah oui, OK. Puis je suis tellement... Je passe d'un trip à l'autre, fait que ça se pourrait que je sois encore dans ce trip-là puis que ça soit encore... ce genre de musique-là, mais ça se pourrait que ça ressemble à d'autres choses aussi. Okay. C'est vraiment dur à dire pour moi. Tu sais, je fantasme sur toutes sortes de... Des fois, j'aimerais ça en avoir un juste guitare-voix. Des fois, c'est super orchestral ce que j'ai dans la tête. Ça dépend okay. vraiment, tu sais. C'est dur à dire. Mais ça me surprendrait que je vire techno hip-hop, là. OK. On va prendre ça en note, quand même. tu parlais que tu écoutes beaucoup de musique. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? Je dis ça, puis je dois dire que depuis 3 mois, là, je suis un peu en panne sèche. En fait, j'ai pas le temps, ben, puis je suis dans mes affaires à moi, là, mais j'ai hâte de retomber dans la soupe, là, mais j'ai écouté beaucoup de musique, beaucoup de country dernièrement, mais ouais. dans les dernières années, disons qu'il y a eu des albums marquants pour moi, comme les albums de Gillian Welch, les albums de M. Ward, de Patrick Watson, de Malajub, Carquois, ça fait pas très crédible parce que c'est des amis, mais ça, ouais. ça m'a marqué quand même, puis tu sais, ça finit plus, là, on pourrait en jaser pendant longtemps, mais j'ai écouté énormément de choses. OK. Maintenant, je pense que je vais te laisser filer parce que vous êtes quand même un peu pressé. C'était quand même une belle visite c'est surprise. C'est fun, hein? Là, c'est fun d'arrêter sur la route comme ça, part de Montréal, puis arrêter à Trois-Rivières, puis après ça, on s'en va à Québec. C'est trippant. Ouais, c'est vraiment génial. Peut-être mentionner pour l'instant, je pense qu'il y a seulement un spectacle d'annoncer prochainement. Oui, à Montréal, le 21 mai à La Tulipe, okay. au Théâtre La Tulipe. Puis il va y en avoir d'autres. Là, la ouais. tournée juste pas fixée, mais il y a des choses qui s'en viennent pour l'automne. OK. Qui sait, peut-être même un Trois-Rivières. Ouais, pas de scoop aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais il va en avoir, c'est sûr. OK. Ben merci beaucoup, Marie-Pierre Arthur. Merci à toi. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter la pièce Pourquoi, c'est celle qui est sur le palmarès cette semaine. C'était à la position numéro 8. Donc, on l'écoute tout de suite, Pourquoi, de Marie-Pierre Arthur. Merci encore. Les nuits étranges m'observent et restent là, accrochés en haut de mon toit. Elles se moquent de moi encore une fois. Imposant leur triste routine, ma carrière. Allô, c'est Marie-Pierre Arthur. Vous êtes assez fou 89.1. Sans geler en hiver. Winter for punks is very rough. Les squeegees sans geler en hiver. Can't wear a toque, your mohawk's crushed just in black all the time. Bon temps, mauvais temps, oh dee, it's cold with spiky hair. and one black patch. Hey, squeegee, sans gelée dans l'hiver. Bette et Wallet. Donc, je pense que j'ai la pas pire prononciation après consultation. Je pense que Bette et Wallet, c'est pas pire comme ça. Je vous avais parlé un peu de ça, là, quand même un bon bout de temps, là, Bette et Wallet, parce qu'ils sont en spectacle le vendredi, le 10 avril prochain. Ça, je vous parlais de ça juste avant la belle surprise qu'on a eue de Marie-Pierre Arthur qui est venue nous faire une prestation aussi live. C'était vraiment très chouette. Et je veux en profiter pour vous rappeler que si vous venez juste d'arriver, si vous venez juste de vous connecter à C'est fou, ben sachez que vous pourrez télécharger cette entrevue-là sur le www.cestfou.ca. Et aussi, je veux aussi vous dire que vous pouvez dorénavant télécharger les émissions au complet, Respecte les dauphins et La dernière porte à gauche, les deux émissions que j'anime, sur le www.unechance.com, un site que vous êtes peut-être habitué d'entendre se faire nommer ici sur les ondes de C'est fou, parce que c'est le site de Mathieu Plante où vous pouvez télécharger et avoir toutes les nouvelles concernant les émissions de Mathieu Plante, c'est-à-dire la connexion, le poste d'écoute et les palmarès. Donc, dorénavant, ajoutez à ça Respecte les dauphins et La dernière porte à gauche pour la balado-diffusion et toutes les nouvelles concernant les émissions. Maintenant, on va retourner en musique avec l'artiste qui va accompagner Bette et Wallet le 10 avril prochain ici. C'est au Charlot, hein, si je l'avais pas bien mentionné. C'est au Charlot le 10 avril prochain ici à Trois-Rivières. Donc, ils vont être accompagnés de Jane Herdart qu'on va écouter tout de suite, tiens, avec la pièce Burning Candles. Thank you. I see traces of your hard work, trails of paper and empty fridge, as the shadows of where you once were. How many times has your heart been broken? If I touch your hand, could I feel the count? If I spend the night,

Vous êtes toujours à l'émission Respecte les dauphins en compagnie de Kiwan. Juste avant le bloc pause qu'on vient d'entendre, il y avait La Pâte à Rose avec la pièce L'Amarelle. C'est vraiment une très très bonne pièce et un très très bon album aussi, celui de La Pâte à Rose, qui est quand même assez dur à absorber, ou je sais pas comment dire, mais bon, c'est une genre de trame sonore, cet album-là, qui nous amène vraiment dans des univers assez différents, dans des émotions aussi assez différentes. Ça passe de musique assez dansante comme L'Amarelle à d'autres pièces vraiment plus introspectives ou d'autres un peu plus folk, un petit peu plus pop. Vraiment plusieurs ambiances qui se côtoient dans cet album-là, et puis ça suit quand même bien, mais bon, faut quand même se l'imposer un peu là, pour vraiment embarquer dans l'album du début à la fin. Ça prend un petit effort, mais ça vaut vraiment la peine. Un très très bon album, celui de La Pâte à Rose. Maintenant, ce qu'on va aller entendre en musique, c'est deux groupes qui vont être en spectacle bientôt à Trois-Rivières. C'est le 16 avril prochain, c'est la semaine prochaine, pas la semaine qui s'en vient directement, là. C'est quelque chose comme jeudi prochain, en fait. Jeudi dans deux semaines, c'est ça, ouais. C'est jeudi dans deux semaines, donc le 16 avril, ici à Trois-Rivières, c'est au Nord-Ouest Café. Il va y avoir le groupe Montréalais avec podcast qui vont être accompagnés d'un groupe qui habite maintenant, je crois, qui est maintenant basé à Montréal, mais qui vient de Trois-Rivières. Vous connaissez sûrement les Frères Goyette. Ça a joué beaucoup ici à travers les années, à travers les époques. Assez fou, on a toujours aimé les Frères Goyette. Donc, on va les entendre dans le prochain bloc tout de suite. Tiens, avec la pièce Montigny, c'est extrait de leur album qui s'appelle « Minimiser les dégâts ». Donc, on les écoute tout de suite à Respecter les dauphins sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Je suis un gars qui aime bien beau linge, je mets mon manteau de fourrure. J'ai le cache qui vient avec aussi, j'ai fier à lui. Oh yeah. Ça rasait fort d'église quand je suis rentré. As-tu vu la manchure, penses-tu que c'est du Versace? Oh non madame, c'est du castor véritable. Pas question d'aller jobber avec ça sur le dos d'un table. Oh non, jamais. J'suis pas du genre à jouer au golf les fins de semaine, mais au mini-potch, je te drive le totem. Y'a jamais eu personne qui a osé dire que j'étais brûlé. Car ouais, la quantité d'oignons dans mes roteux. Oh yes, baby, come on, let's get down with her. Never been a gonna sing a song for her. J'vois mes chums des optimistes assis dans le bar en avant. Ils ont toute une belle place VIP pour checker le curé Clément. Salut mon Jules, comment ça va mon gars, ça va bien? Hey, belle décoration, merci bien, thank you. Ah, t'as du goût. C'est pas que ça coûte cher, mais ça prend rien que la patience de choisir toutes tes lumières, de les sacrer dans un tas de branches. Y'a ma femme qui est au balcon, elle chante en auto, bariton est énorme, et elle est là parce qu'elle chante fort, mais une chose est sûre, c'est pas sa première messe de minuit. J'ai déjà vu chanter un petit quelque chose avec le... Ah, oh, c'était qui donc? C'était qui donc, le gars? C'est... Le gars des pèlerins, chanteur. C'est ça. Le notaire guerrier, c'est ça. J'suis pas du genre à jouer au golf des fins de semaine, mais au mini-pot, j'te drive et j'te t'aime. Y'a jamais eu personne qui a osé dire que j'te brûle. Mais quand ouais, la quantité d'oignons dans mes roteux, hey! De réception, c'est moi qui reçois toute la visite. Fontaine de crème soda dans mon portique. Servez-vous, messieurs, les femmes et les enfants d'abord. Petite sandwich roulé aux œufs. Allez voir ailleurs pour du caviar. Alors, y'a pas de caviar ici, madame, mais y'a Maurice Goyette. Genoux devant le Seigneur. N'attends que moi pour te dire le chemin de la vérité. Oh yeah, baby, come on, let's get down with her. Never been again to sing a song for her. maintenant je porte du poil. Troué de bord en bord. Et je donne des baguettes de ma main. Et je donne des baguettes de ma main. Des poignées de main molle, vous pourrez leur en donner le 16 avril prochain au Nord-Ouest Café. Ils vont être en spectacle, là, les gars de Avec Podcast, avec les frères Goyette qu'on a entendu juste avant. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu les frères Goyette. C'est tellement réconfortant entendre la voix de Maurice Goyette. Oui, ça fait vraiment du bien. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de théâtre parce qu'il y a une production qui me semble intéressante qui s'amène dans la région ici. C'est une production montréalaise qui va être en spectacle, qui va être présentée plutôt le vendredi 3 avril. C'est demain pour ceux qui écoutent en direct. C'est du côté de Shawinigan. C'est pas vraiment à Trois-Rivières, mais c'est pas très loin. C'est à la salle Philippe Filion du Centre culturel de Shawinigan. La pièce, c'est Ladies and Gentlemen. C'est une pièce écrite par Ken Ludwig. Et qui a été un peu inspiré, ou plutôt qui est une variation autour de la Nuit des Rois de Shakespeare. Et ça met en vedette, entre autres, Stéphane Breton, Janine Souteau, Marie-France Lambert et Antoine Vézina, que j'aime vraiment beaucoup. C'est rare qu'on voit Antoine Vézina dans des rôles principaux. C'est même rare qu'on le voit tout court. Il a pas fait énormément de télé. Moi, je l'ai découvert dans la version québécoise de The Office, La Job. C'est lui qui incarnait David Gervais. Vraiment une de mes émissions et un de mes personnages préférés de la télé. Là, j'écoute vraiment pas beaucoup de télé. Je suis pas un très grand fan. Je suis pas énormément de séries, mais vraiment, David Gervais dans La Job, c'est une de mes idoles. Et ben c'est ça, Antoine Vézina va faire partie de la distribution de la pièce Ladies and Gentlemen, donc qui est présentée demain soir à Shawinigan. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, j'ai pas le site internet, je l'avais il y a 3 secondes. Je vais vous donner le site internet un petit peu plus tard pour aller voir toutes les informations sur cette pièce qui est présentée demain soir à Shawinigan. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter tout de suite une pièce qui est dans le palmarès anglophone de C'est fou. La pièce s'appelle Diamond Dave, l'artiste The Bird and the Bee. Et on écoute ça tout de suite à C'est fou, 89.1 FM. When I was a child, you captured my devotion. I spent so many hours exploring mixed emotions. All of the ways you spoke to me, all of the things you provoked in me, I'll always love you. Nothing else is quite there. cave. Show me what you got. I can take it. I'll always love you. Winter Gloves avec la pièce Hillside qu'on vient juste d'entendre. Avant ça, on avait entendu Apprendre à danser du groupe Chinatown. Je l'aime de plus en plus. Je l'ai aimé depuis que j'ai entendu la première fois cette pièce-là, mais c'est incroyable comment elle reste dans la tête, comment c'est vraiment une très bonne pièce. J'ai tellement hâte d'entendre le reste de l'album qui arrive au mois de mai, je crois. C'est bientôt, hein? Ça se rapproche de plus en plus le mois de mai. C'est bientôt. Le nouvel album de Chinatown. Et on avait commencé le bloc avec Diamond Dave du groupe The Bird and the Bee. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Et de l'autre côté, on va continuer à parler de ce qui se passe côté spectacle prochainement à Trois-Rivières. Et aussi, on va changer un petit peu de style. Vous êtes toujours à l'émission Respecte les Dauphins en compagnie de Kiwan. Et avant que je l'oublie, je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'une pièce de théâtre qui s'appelle Ladies and Gentlemen qui va être présentée à la salle au centre culturel de Shawinigan. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au centre culturel au 819-539-6444 ou sinon aller faire un tour sur le www.cultureshawinigan.ca. C'est vraiment un très bon site pour savoir tout ce qui se passe dans le coin de Shawinigan. Et c'est une région quand même assez active sur le plan culturel. Donc, le www.cultureshawinigan.ca. Maintenant, on va aller écouter un peu de Roi Poisson. Roi Poisson qui joue beaucoup ces temps-ci à Sifou parce que c'est très bon et l'album vient juste d'arriver. Je vous ai parlé depuis déjà peut-être deux semaines à toutes les émissions. À chaque fois que j'ai eu la chance de parler du Roi Poisson, je vous ai parlé de leur passage prochain à Trois-Rivières qui était... ça me sert plus à rien de vous dire la date parce que pour l'instant, le spectacle est annulé. Donc, j'en avais parlé récemment d'un spectacle à Trois-Rivières pour les gars du Roi Poisson. Mais en tout cas, présentement, c'est en stand-by. Je sais pas qu'est-ce qui arrive au juste. Je cherche des informations sur la situation du Roi Poisson et de Trois-Rivières, mais il n'y en a pas trop pour l'instant. Aussitôt qu'il y en aura, aussitôt qu'il y aura des développements, je vous les communiquerai assurément. Mais bon, pour l'instant, pas de spectacle officiellement annoncé à Trois-Rivières pour le Roi Poisson. On va les écouter tout de suite avec la pièce Le Chien Galeux. Leurs yeux vitreux en une fraction de seconde. when he says live and let die. Big flames come out high from the stage, clearly seen from a plane. Anyway, anyhow, we suffer a little until the sun goes up. Yeah, baby, if I can only see the morning after we all disappear. Oui, c'est Malajube, donc on vient d'entendre avec la pièce Portée disparue, et juste avant ça, c'était Beautiful Explosion qui s'éclipse tranquillement pas vite à des palmarès anglophones. C'est avec le groupe Plagia, oui, donc. Maintenant, on va changer un petit peu de registre musical parce que je vais vous parler de quelques spectacles qui s'en viennent prochainement. Si vous êtes des amateurs de métal, donc premièrement, je vais vous dire que lundi prochain, le 6 avril, au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, il y a un spectacle qui va regrouper les groupes Backup et Skin Dust. Backup, qui est un groupe de Latuc. Skin Dust, je connais pas trop. C'est un groupe de Montréal, je crois. En fait, je connais pas tant Backup non plus. Je suis pas un fan de métal, vous vous en doutez sûrement. Mais en fait, je connais Backup parce que je connais un des membres que j'oserais décrire comme étant... Je vais lui donner, je pense, le joli sobriquet de boulanger de Latuc. Donc... groupe de Latuc Backup. C'est deux groupes métal qui vont venir à Trois-Rivières finalement lundi prochain, le 6 avril. C'est à 7h, c'est au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et c'est le billet va être sont en vente à 8$ à la porte. Et c'est un spectacle bénéfice finalement qui est organisé par des étudiants du Cégep de Trois-Rivières. Et tous les fonds amassés par ce spectacle lundi prochain vont être remis à la Fondation Centraide Mauricie. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien cela. Voilà. Donc ça c'est lundi prochain pour le premier spectacle métal dont je veux vous parler qui va avoir lieu à Trois-Rivières, parce qu'il y en a un autre aussi avant ça, le 4 avril, c'est samedi qui s'en vient. Mon oncle Serge et Anonymous, donc avec leur album Musique Barbare qu'ils ont lancé il n'y a pas très longtemps, donc sont en tournée. On sait que Musique Barbare, mais Mon oncle Serge et Anonymous avec leur premier projet, leur premier album ensemble, L'Académie du Massacre, ça avait été un des plus grands succès, je pense, de l'histoire métal francophone au Québec. Sûrement, je pense que je me trompe pas, c'est juste dans l'histoire du métal francophone là, au Québec. Et puis ben c'est ça, avec leur deuxième album, la tournée est commencée, beaucoup de dates d'annoncées, beaucoup de spectacles qui s'en viennent pour les garçons, les gentils garçons de Anonymous et Mon oncle Serge. Et puis c'est ça, ils vont être le 4 avril, le samedi, à la salle Le Complexe ici à Trois-Rivières avec les groupes, le groupe de Trois-Rivières Crest of Honor et aussi Horrifiction. Voilà, c'est pas mal ce qui complète la tournée des spectacles métal. Je pense que ce sera pas une chronique récurrente, je suis pas sûr que je vais en faire à chaque semaine une chronique comme ça, puis c'est pas parce qu'il y a pas rien à dire sur le métal, il y en a en masse. Seulement c'est pas tant un style que vous entendez généralement ici à cette heure-là dans l'émission Respecte les Dauphins, mais seulement ça valait la peine de le faire, surtout pour finalement le spectacle bénéfice, que je vous encourage à y aller faire un tour pour Centraide Mauricie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une pièce de Mon oncle Serge. Tiens, c'est quand même un artiste, Mon oncle Serge, qui a l'habitude de passer ici à Sucre, du moins. Quelle pièce je pourrais suggérer à moi-même pour écouter? Je connais pas tant l'album de Mon oncle Serge, mais j'aime beaucoup cette pièce, Un clown pour grand-papa. J'essayais d'avoir un choix pas trop grossier, pas trop vulgaire, mais finalement, je suis mieux d'abandonner cette idée-là avec Mon oncle Serge. Donc, on l'écoute tout de suite avec Un clown pour grand-papa. Une seule goutte d'alcool et c'est la mort subite. Dans l'établissement où le vieux Christ croupit, le règlement l'interdit. Un clown! Un Alcool! Oh, j'avais pas pensé à ça! Alcool! Oh, pis j'pense qu'il va aimer ça! Alcool! Oh, ouais, pis, oh, pis c'est pas cher pour le top! Alcool pour grand-papa! Alcool pour grand-papa! Un clown avec des ballons qui s'appelle Tijon. Un clown qui entend des tonnes de clowns. Un clown pour grand-papa. Pour qu'une dernière fois, il rit. Avant de se faire empailler par Urgel Bourgie. Il nous fait chier. Un clown pour grand-papa. La famille est rassemblée dans le foyer de vieillard. Pour la fête du bon vivant. Tout le monde compte, c'est le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Voici le clown. Le vieux cesse de faire la baboute. D'abord un petit rictus. Puis il en met un peu plus. Il sourit, il piaffe, il s'esclaffe. Il est hilar, il se pisse dessus. Il glousse, il mord, il bat. Il pleure, il chivale tout. Jamais on le vit autant se tordre. Sa couche déborde, elle ne peut plus contenir son plaisir. Le père va serre la pisse et la balle. Pendant qu'il regarde son cadeau. Le bourdon qui fait son numéro. Un clown pour grand-papa. Un clown qui porte des gogoons et qui roule comme la poune. Et qui grimace comme les singes les plus laids du Cameroun. Un clown pour grand-papa. Un clown pour grand-papa. Hey grand-papa. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Wedding gown. C'était le groupe Hooded Fang avec la pièce Circles and Block, un groupe anglophone de Montréal. Et juste avant ça, on a entendu un autre groupe anglophone de Montréal qui s'appelle Dead Messenger, que je connais pas vraiment. En fait, on a reçu l'album récemment. C'est arrivé dans les dernières semaines. Je sais même pas si c'est encore passé au poste à l'écoute. Je présume que oui, probablement la semaine dernière. Dead Messenger avec la pièce Fat Black Heart, c'est ça qu'on a entendu. J'aime bien ça. C'est pas très recherché comme style, mais ça s'écoute vraiment très, très bien. Vous risquez d'en réentendre ici à l'émission. L'émission qui est déjà terminée pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si Dieu le veut. Jeudi 16h pour Respect les Dauphins et sinon toujours les vendredis à 20h pour la dernière porte à gauche et quelque part aussi toujours un peu plus présent à chaque semaine dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs de 17 à 20h et comme je vous en parlais un petit peu plus tôt dans l'émission, vous pouvez aussi maintenant, vous pourrez à l'avenir télécharger les balados diffusion des émissions au complet sur le www.unechance.com. Avant qu'on se laisse, je vais faire un petit récapitulatif très vite des événements que que j'ai retenu cette semaine. Donc, le 6 avril prochain, c'est lundi prochain. On va y aller tout de suite dans le métal. Donc, Backup et Skin Dust, c'est le 6 avril prochain au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'est un spectacle bénéfice pour Centraide Mauricie. Aussi, le 4 avril, samedi, vous avez Mon Oncle Serge et Anonymous à la salle Le Complexe. Vous avez aussi la pièce de théâtre Ladies and Gentlemen qui est présentée demain soir à Shawinigan. Et vous aurez compris que j'ai fini la parenthèse métal. À part de ça, il y a quand même quelques événements aussi dont j'ai pas parlé vraiment dans l'émission, mais qui sont récurrents. Vous savez peut-être si vous écoutez, si vous avez l'oreille attentive à ce qui se passe à côté culturel à Trois-Rivières, vous savez peut-être que demain, c'est le premier vendredi du mois. Ça, vous le savez de toute façon. Et les premiers vendredis du mois, c'est Synergie, le cabaret de film Synergie, ici à la Chasse-Galerie. C'est dès 20h et c'est vraiment très bon. Je vous le conseille. Et là, je manque de temps, donc je pense que ça va être tout. C'est tout ce que je veux vous dire pour cette émission. On va se laisser avec la pièce More Meat de Maître J qui se retrouve sur la compilation de la Sopref 2008-2009. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. As I remember, I've always wanted to be a butcher. No shit, they're the happiest people I know. There's something about the blood and the guts and the guts and the blood. I'm telling you, that knife is the color of hope. Maybe one day we'll all think it's barbaric, but for now, come on, it's still the toast of the town. A nice piece of meat is like nothing else around. It'll turn your vegan frown upside down. You buy it, you cook it. Smiles all around the table, it's time to eat. Last piece is gone, now who took it? Don't be shy, come round and buy me more meat. More meat. More meat! The sun dips in bye-bye the bay window. All the kids and proud parents know. They've got bags in their hands and in their hands there's hope. 1,000 stomachs on my rope. I walk home slowly, slowly wondering about all those meals and what they're saying. Hope those pork chops will make things work out between Charlie and his girl. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but Maître J makes the best pot roast. For my own guests, confit au canard et foie gras. Osso buco, crème molata. Everybody gather round to taste the saucisson. And for the special women, I've got the canisson. Take my time to prepare the next cut until the whole world knows that I got the best. Okay, what'll it be for Sunday? I ain't a course of sauerkraut. Time for me to play a nice piece of lard and sausages galore. Smiles cause the juniper berries in the sauce. And everybody knows where the secret's at. You gotta make a nice sauce with a lot of fat. If I'm a duck, Orange Orange is the sauce. And Max and Robert burns down the house. More meat. More meat.